Galaxy Pop, la culture jusqu'au bout des ondes. Salut mes petits monstres, aujourd'hui on va s'offrir un petit voyage en enfance. Vous vous souvenez peut-être quand vous étiez tout petit, avant d'aller au lit, d'une émission enfantine, une émission mignonne avec des marionnettes. Nicolas, Pimprenelle, le marchand de sable, et bien sûr, Nounours. Si ma mémoire ne me fait pas faux bond, cela s'appelait « Bonne nuit les petits ». Et notre invité de ce soir a eu l'opportunité d'y travailler. En janvier 1997, la première diffusion des 4 saisons de Bonne nuit les petits s'est terminée, même si la série a continué à être rediffusée jusqu'en 2006. Mais en 2010, Alain Ladur, qui était l'un de nos producteurs, nous commande une 5e saison en faisant varier l'animation avec un nouveau système pour animer les pantins. Un décor à l'ancienne en balsa et carton dur, derrière lequel devaient évoluer les acteurs qui animeraient les marionnettes avec de longues perches. Avec ce système, ils étaient invisibles à la caméra et gardaient une meilleure prise sur les pantins. Pour moi, ça relevait plus du choix artistique que du choix pratique. Et d'ailleurs, ça en agaçait plus d'un qu'on change nos méthodes déjà bien rodées. Mais bon, on est encore loin du cœur du problème. Bref, comme dit au-dessus, on a embauché les teneurs de bâton, ou du moins on s'apprêtait à le faire, quand on a reçu une décision de la production, donc d'Alain, concernant le recrutement. Pour Pimprenelle et Nicolas, on travaillerait avec deux de ses neveux, des gamins. On n'a pas été trop surpris sur le coup, l'audiovisuel, comme tous les milieux, fonctionne au pistonnage. J'étais ceci dit un peu perplexe par rapport aux conditions de travail spécifiques des gosses. Mais personne n'était très regardant sur le tournage, on avait surtout envie de toucher notre cachet et mettre les bouts. Quand j'y repense, on aurait vraiment dû se méfier un peu plus. On a trouvé en peu de temps un marionnettiste pour Nounours, un type du nom de Grégory Goudot. De là, les choses se sont enchaînées plutôt vite, et en tant qu'opérateur, j'ai commencé le tournage du premier épisode avec les gamins et ce Nounours. Bien sûr, c'était loin d'être parfait, essentiellement parce que les séquences traînaient en longueur avec l'inexpérience des gosses qui manipulaient leurs marionnettes avec une maladresse atroce. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que nous, l'équipe de tournage, on ne voyait pas les marionnettistes pendant les prises. Les décors les cachaient à nos yeux, et surtout à l'objectif. C'est en enchaînant les épisodes que j'ai pu remarquer que pendant les pauses, les enfants devenaient de plus en plus pâles et nerveux. Ouais, c'est ça. À bout de nerfs, littéralement, comme dégoûté. C'est une des stagiaires en audiovisuel qu'on avait mise à la prise de son, qui la première m'a mis sur la voie de ce qui se tramait. En faisant des raccords son derrière les décors pour vérifier si elle ne pouvait pas mieux recueillir l'audio, en se plaçant derrière, elle avait fini par remarquer quelque chose. Entre les prises, les gamins lâchaient des bruits étranges, tout bas. Le Goudot, lui, n'était pas en reste de grognements lubriques, à ce qu'il paraît. Enfin, bref, vous voyez le truc. Cette sagère en a parlé à Alain et moi, au cas où il lui arriverait quelque chose. Et effectivement, Alain l'a viré. Moi, je n'ai rien dit. Comprenez-moi, je n'avais que ce travail, pas d'autre source de revenus, un fils à nourrir. Je vous dégoûte, hein ? Allez, je me dégoûte aussi. Parfois, je me dis que j'ai tenu ma langue pour mon fils, mais d'autres fois, je l'imagine à la place de ses gosses et je m'en veux encore plus. Les épisodes ont suivi leur cours et j'ai commencé à noter des trucs malsains qui avaient lieu sous nos yeux sans que tout le monde les remarque. Par exemple, les enfants disparaissaient systématiquement entre les scènes pour se rendre dans l'une de nos rares loges réservées au stock des accessoires. Dans ce même temps, Grégory s'éclipsait lui aussi, et le costume de nounours avec. Au début, je pense que personne n'y faisait attention. Grégory justifiait ça par une pseudo-pause clope. Et les gosses ? La plupart des travailleurs sur le plateau couraient tout le temps, dans tous les sens. Alors, vers la fin, on s'est retrouvés moins nombreux, beaucoup de licenciements ayant été effectués. Avec du recul, je pense que beaucoup avaient flairé l'embrouille parce que Grégory ne sentait jamais la cigarette. Et plus le temps passait, plus les neveux du patron faisaient peine à voir. Ceux qui savaient et sont restés comme moi ont préféré se taire. Quand on est arrivé à 2 épisodes de boucler ce tournage nauséabond, les choses se sont corsées. On a retrouvé le corps d'Alain pendu dans son bureau de producteur. Il avait dû faire ça dans la nuit, en y restant après le départ de l'équipe. À partir de là, on n'a plus revu les gosses. En faisant mes recherches, j'ai appris que Grégory avait demandé un internement en hôpital psychiatrique. Et j'en viens à ce qui m'a fait demander cet enregistrement. Plus que la confidence d'avoir surpris des attouchements pédophiles et de n'avoir rien fait de concret, j'aimerais parler du lendemain de la mort d'Alain. Tout ça, c'est vraiment lourd à porter. Et avec le temps, c'est de pire en pire. J'ai cherché à protéger mes intérêts personnels, à faire vivre ma famille. Aujourd'hui, elle m'a tourné le dos. À l'époque, les clauses de nos contrats étaient strictes et la non-divulgation, ça plaisantait pas. Plus que de risquer un procès à se faire virer, on ne se ferait jamais rembaucher parce que dans notre milieu, ça tourne vite. J'ai brûlé les bobines de nos tournages. C'était moi. J'ai aussi fait disparaître les derniers effets d'Alain. Je le confesse aussi. Mais si j'ai brûlé tout ça, c'est pour ce que j'y ai trouvé. Son téléphone contenait plusieurs messages à l'intention de Grégory, du genre « loge accessoire, 18h, comme d'habitude ». Ou encore, filme-les mieux que vendredi dernier, la qualité était naze. En fouillant ce même téléphone, je me souviens encore de l'horreur que j'ai ressentie. J'ai compris pourquoi Alain s'était pendu, pourquoi Grégory ne le supportait plus. Le fait qu'il se soit ensuite fait interner n'était qu'une sorte de suite logique. Parmi ce que j'ai détruit, il y avait plusieurs lettres de coproducteurs anonymes. Enfin, c'est du moins comme ça que les expéditeurs se présentaient. Apparemment, Alain devait de grosses sommes d'argent à des types vraiment louches, qui lui réclamait toujours plus de contenu. En lisant des morceaux de brouillon du scénario, j'ai compris qu'Alain ne croyait pas un seul instant à une pseudo-nouvelle saison. C'était juste un plan fantôme, une couverture pour produire ce contenu. Grégory, lui, était loin d'être marionnettiste. En fait, il était caméraman. La preuve, c'est lui qui avait filmé le véritable pédophile à toucher les enfants dans la fameuse loge avec le téléphone d'Alain. Et en parlant d'Alain, ce tonton si tendre et si affectueux envers ses neveux, je n'aurais jamais cru le voir jouer un aussi bon nounours que dans cette même loge. Même ces épisodes-là, j'espère qu'ils ne lui auront pas rapporté un sou. Oh, je crois que j'ai déjà vu notre caméraman ici. Il était dans un endroit réservé aux raclures dans son genre. C'est sûr que les petits n'auront plus jamais une bonne nuit, mais je vous garantis que lui non plus. Il y a quelque temps, un chef cannibale m'a donné sa recette du missionnaire aux groseilles. C'est assez basique. Il suffit de farcir l'un avec l'autre. Bon, la subtilité, c'est qu'on ne passe pas par la bouche. Ici, on n'a pas de missionnaire sous la main, ni de groseille, alors on va farcir notre caméraman avec des ananas. On a l'éternité pour lui faire goûter sa propre médecine. Allez, bonne nuit mes petits monstres! Vous semble gris et fade, votre vie vous paraît plate comme une pizza premier prix et longue comme un jour sans bière. Soyez rassurés, il existe un remède. Embarquez dans le vaisseau Galaxy Pop et redonnez à votre vie des couleurs chatoyantes. Écoutez, Galaxy Pop soigne les maux les plus divers et apporte bonheur et félicité. Galaxy Pop. Vous aimez écouter de la bonne musique de films ou de jeux vidéo ? Vous ne savez pas comment meubler vos soirées entre amis ou vous avez envie de vous mesurer à une communauté de joueurs? Écoutez Blindcast, tous les deux mois et jouez avec nous en vous faisant plaisir aux oreilles. Blindcast, c'est 10 titres à deviner, du plus facile au plus retors, et le bonheur d'écouter 10 pistes entièrement et sans aucune coupure. N'attendez plus et venez nous découvrir sur le vaisseau Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Wow. Galaxy Pop. Pop.